La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. Bonjour Sébastien. Bonjour Manon. Alors on va continuer notre histoire, on va reprendre la route du côté du Yémen et de l'Égypte. Exactement, nous allons donc quitter l'Arabie heureuse avec donc en suivant, en remontant eh bien tout simplement le long de la mer Rouge pour arriver en Orient, pour arriver au Caire. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire une petite citation de Jean de Thévenot dans sa relation d'un voyage fait au Levant, 1664. « Il y a plusieurs cabarets publics de cahuets où on le fait cuire dans de grandes chaudières. En ces lieux, toutes sortes de personnes se peuvent rendre, sans distinction de religion ni de qualité. Et il n'y a point de honte d'y entrer, plusieurs y allant pour s'entretenir. » Et après le petit moment musical, nous verrons comment on en est arrivé là. بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي يهواها القلب الدنيا بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي يهواها القلب